بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre 37e cours dans la traduction et le commentaire du livre de Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala, Al-Mawrid al-Adb al-Zulal, la source délicieuse et abondante dans les critiques de certaines croyances et de certaines voies dans le da'wa. والآن مع الباب العاشر عنوان له الشيخ أسكنه الله فسيح جناته في من تقد على جماعة التبليغ. Et avec le dixième chapitre dont le titre est ce qui est les points sur lesquels sont critiqués جماعة التبليغ. فكما تعلمون إخوة الإسلام حتى لا تصغوا إلى الشبه أن الرد على المخالف أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد رب العالمين، دل على ذلك الكتاب وصحيح السنة وإجماع سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهذا باب عظيم من أبواب الجهاد، بيّن الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن بيان أخطاء أصحاب المخالفات للسنة وتجلية حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. وقبله الإمام أحمد قيل له رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أو يتكلم في أهل البدع، فقال: إذا صام واعتكف وصلى فإنما ذلك لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل. وقيل له رحمه الله: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. فرون الله عز وجل pour ne pas prêter son oreille aux ambiguïtés et pour ne pas être perturbé, il faut que ça s'ancre dans notre esprit que le fait de répliquer à celui qui est en divergence avec la sunna et avec la voie du plusieurs d'Allah alim est un des énormes fondements. Il fait partie des fondements de la religion et c'est une des règles parmi les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré. Le prouve le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, le consensus des puiseurs d'Allah alim et ceux qui les suivent à la perfection. Et le fait de répliquer à celui qui est en divergence avec la sunna et la voie du puiseur d'Allah alim, ceci est un des grands chapitres d'El Jihad, comme nous l'a montré Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a dit, rahimahullah, le fait d'éclairer et d'attirer l'attention des gens sur les erreurs de ceux qui sont en divergence avec la sunna et de montrer leur situation et d'avertir la communauté contre ces gens est obligatoire par l'unanimité du musulman, c'est-à-dire l'unanimité des hommes de science. Et avant lui, l'imam Ahmed a dit, on lui a dit à l'imam, un homme jeune et prie et fait des retraites spirituelles où il parle dans les gens de l'innovation. C'est quoi le mieux? Et il a dit, le fait qu'il prie, qu'il fasse des retraites spirituelles et qu'il jeûne, ceci est pour lui. Mais quand il parle des gens de l'innovation, ceci est bénéfique pour les musulmans. Et ça, c'est mieux. Et il a été aussi dit à l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, quelqu'un lui a dit, ça me devient lourd, c'est lourd pour moi de dire que telle personne est en divergence, telle personne, et ceci ou cela. Il a dit, quand toi tu te tais, et moi je me tais, quand est-ce que l'ignorant va connaître le vrai du faux? فإخوات الإسلام من هنا يتبين لك أن الرد على المخالفين باب عظيم من أبواب حراسة الدين ينتفع به الراد بحصوله على الأجر العظيم لقيام بهذا الباب الجليل من أبواب الجهاد في سبيل الله وينتفع به الناس من جهة معرفتهم الحق من الباطل كما ينتفع به المردود عليه. Partant de là, frère en Allah, Azzawajal devient clair. Il faut que ce soit clair pour nous que le fait de refuter les erreurs de ceux qui sont en divergence avec la sunna et avec la voie du puiseur d'Allah Alim, c'est un énorme chapitre. C'est un énorme chapitre dans la garde et la sauvegarde de cette religion et la protection de cette religion. Et celui à qui c'est bénéfique la réplique, c'est en premier lieu celui à qui on fait la réplique. Et celui qui fait cette réplique, il a une énorme récompense min Allah Azza wa Jal parce qu'il a accompli ce noble devoir qui est l'un des grands chapitres dans le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et aussi, ça fait, il est bénéfique, la réplique est bénéfique au commun des musulmans du fait qu'ils vont connaître la vérité du faux. قال فضيلة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام ولهذا فإذا رأيت من رد على مخالف في شذوذ فقهي أو قول بدعي فاشكر له دفاعه بقدر ما وسعك ولا تخذله بتلك المقولة المهينة لماذا لا يرد على العلمانيين فالناس قدرات ومواهب ورد الباطل واجب مهما كانت رتبته وكل مسلم على ثغر من ثغور ملته انتهى كلامه رحمه الله. Souvent, les innovateurs citent Cheikh Bakr Abu Zayd pour déguiser les situations. Mais en réalité, mais ce livre dont il tirait ce passage, il ne le cite pas. Et c'est un énorme livre qui est très bénéfique, qui s'appelle « Le fait de répliquer » à celui qui est en divergence, le fait de répliquer à celui qui est en divergence est l'un des fondements de l'islam. Il dit, rahmatullah alayhi, dans l'un de ses passages de ses livres, quand tu vois quelqu'un refuter un point de vue marginal dans la jurisprudence ou une parole innovatrice, quand tu vois quelqu'un la refuter, remercie-le pour la défense qu'il fait de la religion. Remercie-le selon tes capacités comme tu le peux, mais ne le réduis pas, et ne l'avilis pas avec cette et ne le trahis pas avec cette parole vile qui dit il n'a pas répliqué au laïc. Et il dit rahimahullah, les gens ce sont des capacités, chacun a ses capacités, et le fait de répliquer, de rejeter et de répliquer au faux est obligatoire. N'importe qu'il soit ce faux, qu'il vienne des laïcs ou de d'autres, c'est obligatoire. Et chaque musulman, il est sûr, l'un des remparts de l'islam. رحمه الله تعالى. فالذين يلوون ألسنتهم باستنكار نقد الباطل ما هم إلا جهال أو ضعاة إلى كلمة تصدع كلمة التوحيد، فاحذروا إخوة الإسلام. وما حجتهم إلا المقولات الباطلة لا تصدع الصف من الداخل، لا تثير الغبار من الداخل، لا تحرك الخلاف بين المسلمين، نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مسلمون وكفى. وهذه قاعدة ميكافيلية. Donc ceux qui font bouger leur langue en disant ouais, c'est pas la peine de critiquer, c'est pas la peine de refuter, pourquoi vous refutez, ceux-là, ce sont des ignorants. Ou là, ce sont des gens, indirectement, ils ne le savent pas, ils appellent au fait de diviser la communauté. Et le fait de diviser ceux qui sont unis sur le monothéisme et sur la voie authentique. Faites attention à ceux-là. Faites très attention à leurs paroles et leurs preuves dans ce qu'ils avancent. Leur preuve au niveau de ces paroles non avenantes qu'ils avancent, ils disent il ne faut pas diviser la communauté de l'intérieur. Il ne faut pas remuer la poussière de l'intérieur. Ne faites pas renaître le khilaf, la divergence entre les musulmans. On se rend compte sur le point sur lequel nous sommes d'accord et les uns excusent les autres sur les points sur lesquels ils sont en divergence. Nous sommes des musulmans et ça suffit. Cette règle, c'est une règle machiavélique, se réunir sur le point sur lequel on est d'accord et qu'on s'excuse sur le point sur lequel on est en divergence, c'est une règle machiavélique et non avenante. Et la louange revient à Allah Azza wa Jal. Il y a l'un des étudiants de Médine qui a traduit tout un livre qui refute par plusieurs points cette règle-là. Lisez-le et vous allez voir l'énormité et la gravité de cette règle. كذلك يا اخوه الاسلام يجب ان نعلم ان المنتفع بالردود المردود عليه نفسه. ذكر الذهبي في السير عن ابي صالح الفراء قال حكيت ليوسف بن آصار عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال ذاك أستاذه يعني الحسن بن صالح فقلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة فقال لي لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أثراهم كان أضر عليهم. إذنك سلوكي prend bénéfice directement de la réplique, c'est celui à qui les hommes de science ont fait la réplique. Zahabi rahimahullah dans Siyar rapporte de Salih al-Farra qui a dit que j'ai compté, que j'ai dit à Yusuf ibn Asar d'où Waqi', j'ai rapporté à Yusuf ibn Asar d'où Waqi' quelque chose des situations d'Yelfitan. Il le rapporte d'Abu Salih al-Farra. Il a dit ça, c'était son professeur. Il voulait dire par là le Hassan ibn Salih. Et il veut dire par ça le Hassan ibn Salih. Et Yusuf, il a dit à Yusuf, tu ne crains pas que ça soit une médisance. Il m'a dit pourquoi? Pourquoi fou? Pourquoi toi le fou tu dis ça? Moi, je suis mieux pour cela que leurs parents et que leurs mamans. Moi, j'avertis les gens pour qu'ils ne les suivent pas, qu'ils ne mettent pas en application ce qu'ils ont innové. Et comme ça, ils vont les suivre et ils vont alourdir leur charge. Et celui qui, il dit, rahmatullah alayh, celui qui fait les éloges à ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui sont tombés dans une innovation ou qui ont une parole, hein, qui est en divergence avec la voix du plusieur d'Allah alayh, ben celui-là, ils leur font plus de mal quand ils leur font l'éloge. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, ils vont se faire avoir, ils vont les suivre. Et dans ces cas-là, la situation est dangereuse pour eux, le jour de la résurrection. وقال عاصم الأحول جلست إلى قتادة فذكر عمر بن عبيد فوقع فيه ونال منه فقلت يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض فقال يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي لها أن تذكر حتى يحذر. إيه عاصم الأحول أدي جم سياسي أقتادة ونسيتي عمر بن عبيد دفون قتادة قتادة لا كريتيكي مي دين فورس الأحول أدي أقتادة يا أبا الخطاب Je ne vois pas que les hommes puissent critiquer, que les hommes de science puissent se critiquer les uns les autres. Et Qatada lui a dit, oh Ahwal, tu ne sais pas que quand l'homme a innové une innovation, il faut qu'on se la dise et qu'on avertisse contre cette innovation. Ainsi ils étaient nos puissants d'Allah alayhim. Pour ne pas se faire avoir, frère Allah azzawajal, par cette parole qui se propage dans le milieu de la jeunesse francophone, que la voie de la réfutation, c'est la voie de Cheikh Rabi ou de Cheikh Njmi. Là, il y a l'islam. Regarde l'histoire de cette communauté et regarde ces étalons de la science. Comment ils étaient, comment ils étaient leurs paroles. قال الشاطبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم وبهذا إن شاء الله وبهذا إن شاء الله يتبين لك أيها الأخ الكريم أن الرد على المخالف أصل من أصول السنة دونك L'imam Shatibi, rahmatullah alayhi, il dit, en commentant ces deux événements que je vous ai cités, ces deux positions, il dit, l'exemple de cela, il faut les évoquer. Il faut montrer leur situation. Parce que ce qui va en découler de leur mal sur la communauté est énorme. Et si on les laisse, le mal qu'ils vont faire dans la communauté est énorme. Et quand on avertit contre eux, permet aux gens de s'éloigner d'eux. Il faut avertir les gens pour qu'ils s'éloignent d'eux. Parce que si on ne parle pas d'eux, ben les gens vont se tourner autour d'eux. Ils vont tomber dans leur égarement. Et c'est rendre service aux gens que le fait de parler d'eux et d'avertir contre leurs erreurs. Partant de là, il t'apparaît, frère en Allah, Azzawajal, que le fait de répliquer à celui qui est en divergence, avec la sunna et la voix du plaisir de l'âme, ça fait partie des fondements de la sunna. وإذا كان يقول الإمام الشاطبي وإذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة ولا شك أن التفريق بين المسلمين والداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفريق بين المسلمين ومن نبايعهم وتابعيهم وإذا تعارض الضرر فالمرتكب أخفهما وأسهلهما وبعض الشر أهون من جميعه بقطع اليد المتكائلة إتلافها أسهل من إتلاف النفس وهذا شأن الشرع أبدا أن يطرح أخف الشر وقاية من الأثقل انتهى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى Et c'est la cause si du fait que tu vas désigner quelqu'un directement il y a peur qu'il y ait une division Et il n'y a aucun doute que le fait de diviser les musulmans et ceux, et séparer les musulmans de ceux qui appellent vers une bid'a quand la preuve est accomplie, ceci est plus simple et plus facile que faire la division, que créer une division entre les musulmans et ceux avec qui ils ont fait allégeance, c'est-à-dire leurs gouverneurs, etc., et ceux qui les suivent. C'est-à-dire qu'il est plus facile, c'est plus facile dans la religion, de séparer les gens de l'innovation. Ah, c'est plus facile pour eux. Hein? Et c'est plus simple. Mais le plus dur, c'est de diviser, et ce qui n'est pas demandé, c'est de diviser les musulmans avec leurs gouverneurs et avec ceux qui les suivent. Et quand deux grands mâles s'opposent à nous, quand deux mâles s'opposent à nous, ben on tombe dans le plus bas des mâles. Et le plus facile, et celui qui va revenir avec moins de mal à la communauté. Par exemple, un être humain qui a une main qui est atteinte d'un cancer. Le fait de lui couper les mains, c'est mieux que le fait qu'il meure et que son corps soit rongé par ce cancer. C'est le plus simple. Et ça, c'est la situation de la législation, elle est comme ça. On va toujours vers le moindre mal pour se protéger du grand mal. Et là, s'arrête la parole d'El Shatibi, rahimahullah ta'ala. Et le moindre mal, pour quelqu'un dont la main ou le pied est atteint d'un cancer, c'est de lui couper son membre. Comme ça, son corps n'en souffre pas. Et que le reste du corps soit sain. Et le plus grand mal, c'est qu'on laisse cette main cancéreuse et que ce cancer se propage à travers le corps. Il en est de même pour l'innovation. Il faut la couper court. Le fait de mettre de côté l'innovateur et son innovation, c'est un moindre mal. Mais le fait de perdre toute une communauté qui suit cet innovateur, ça c'est le plus grand mal. بهذا إن شاء الله يتبين لنا أيها الإخوة أن الرد على المخالف أصل من أصول السنة التي توالد عليها أئمة السلف ومن راجع كتبهم ظهر له ذلك واضحا جليا هذا يجب عليكم إخوة الإسلام أن تعتنوا بإتقان لغة الكتاب والسنة لكي يتبين لكم لكي تتمكنوا من قراءة كتب أهل العلم ويكون لكم اتصال بدون واسطة وبدون مترجم بين أهل العلم والدخول في كتب أهل العلم بدون واسطة إن شاء الله. Partons de là, frère en Allah, Azza wa Jal, t'apparaît que le fait de répliquer à celui qui est en divergence avec la Sunna et la voie du puiseur d'Allah Alim, c'est un des fondements des gens de la Sunna et ceux qui suivent leur puiseur d'Allah Alim. Et c'est la voie sur laquelle étaient les grands imams de cette communauté. Et quand on se penche sur leurs livres, ceci nous devient clair. C'est pour ça qu'il vous est demandé, frère en Allah, Azza wa Jal, de vous pencher et de vous acharner et faire le maximum d'efforts pour que vous maîtrisiez la langue, dit le Coran, la langue de la Sunna, pour que vous puissiez profiter des écrits des hommes de science sans avoir besoin de passer par une intermédiaire qui est un traducteur. وقد يقول بعض المحبين لمن رد عليهم لما يرد عليهم فيقال له إذا كنت محبا لهم فإن حبك لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنت محبا لهؤلاء الذين رد عليهم فإن حبك لأمة محمد عليه الصلاة والسلام التي اغترت بهؤلاء أو قد يغتر بعضهم بهؤلاء فقد اغترت بهم طائفة كبيرة فأين قاعدة درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى أين قاعدة إنكار المنكر المتعاني حتى لا يقع أحد فيه فهنا الله عز وجل peut-être que ceux qui aiment ceux à qui les hommes de science ont fait des répliques ils posent la question pourquoi vous leur répliquez parce qu'ils les aiment on leur dit si tu les aimes, où est ton amour pour la communauté de Mohammed alayhi salatu salam qui s'y fait avoir par les paroles et par les innovations de ces gens-là? Ou peut-être l'amour pour cette communauté ou là pour certains de la communauté de Mohammed alayhi salatu salam qui vont se faire avoir par les innovations et par les voies innovées de ces gens-là. Et il est évident qu'il y a une partie de la communauté qui s'y fait avoir par ces gens-là. Donc dans ces cas-là, où il est l'utilisation de la règle qui dit repousser le grand mal par le petit mal. Et où il est la règle, l'utilisation de la règle qu'il faut blâmer le mal qu'on vit et qui fait du mal. Pour que les gens, et blâmer le mal qui est déclaré pour que les gens ne tombent pas dedans. Faïkhouat al-Islam, inna ar-raddin ala ahli al-bid'a wal-ahwa. أشفق لهم وأرحم من الذين لا يردون عليهم وهم يعلمون أخطاءهم ومر معنا ما أخرجه الذهبي في السير من موقف وكيع والأحول إذا الذين يردون على المخالف لا سيما في المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها هم أبر به من آبائه وأمهاته حتى لا يتبعه غيره على هذا الخطأ فالإنسان يأتي يوم القيامة بوزره ووزر كل من اتبعه على الخطأ. فخون الله عز وجل faut savoir que ceux qui répliquent aux gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion sont plus cléments pour ces gens-là que ceux qui ne leur répliquent pas en sachant leurs erreurs. Ceux qui ne leur répliquent pas et qui connaissent leurs erreurs les trahissent. Quant à ceux qui répliquent à l'innovateur, ils sont cléments pour cet innovateur. Il est passé avec nous l'athar d'Yel Dahab rahmatullah alayhi dans Siyan, de la position de Waqi' d'Yel Ahwal. Donc ceux qui répliquent aux divergents, surtout dans les sujets, dans les situations où il n'y a pas lieu à avoir une divergence, ceux-là sont mieux pour celui à qui ils ont répliqué que leurs parents et leurs mamans. Pourquoi les gens ne les suivent pas sur cette erreur? Car l'être humain, quand il arrive le jour de la résurrection, il ramène ses mauvaises actions plus les mauvaises actions sur lesquelles il a été suivi par les gens. Et son fardeau sera alourdi. Donc quelque part, ceux qui leur répliquent sont cléments pour eux. Ils font que les gens ne les suivent pas. وهؤلاء الذين لا يسلكون منهج الرد على المخطئين فلا ننسى ردودهم على الحكام والسلاطين علانية ومن فوق المنابر ولا ننسى تلك الردود التي كانوا يقدحون بها في العلماء الكبار ومر معنا كلامهم الساقط في أهل العلم وتهنيهم في حكام المسلمين. Et sache, frère en Allah Azza wa Jal, que ceux qui voient que le fait ceux qui ne prennent pas la voie de la réplique et qui ne répliquent pas à ceux qui sont tombés dans les erreurs, qu'on n'oublie pas les répliques qu'ils ont fait vis-à-vis des gouverneurs et vis-à-vis des grands hommes de science. Et ils le faisaient clairement de sur leur manbar. Et qu'on n'oublie pas ces répliques non avenantes dans lesquelles ils critiquent et ils dénigrent les grands hommes de science de cette communauté. Et avec nous, depuis le début passé, en étudiant ce livre de Cheikh Najmi, passait avec nous leurs viles paroles qu'ils disaient sur les montagnes de science de notre siècle et comment ils critiquaient aussi les gouverneurs. فالذين يردون على المخالفين بما ينهجونه ويرونه دينا فالرد على المخالف يرد عليه من باب الدين فالرجاء من الذين يحبون من رد عليهم ألا ينسوا ردود هؤلاء علانية على من يخالفهم في منهجهم الباطل وكثير منهم أخطأوا في الرد على كبار أهل العلم تباعا لمناهج حزبهم ومتبوعهم ويبين لك خطأهم في الرد على كبار أهل العلم أمرين. فرعون الله عز وجل oublie aussi que ceux qui répliquent à ceux qui sont ils sont dans les erreurs et dans les innovations, ils le font d'un point, leur point de départ, c'est un point de départ religieux. Et par clémence, vis-à-vis de celui qui est tombé dans l'erreur. Et on demande à ceux qui aiment, ceux à qui les hommes de science ont fait des répliques, qu'ils n'oublient pas les mauvaises répliques et les répliques non avenantes que ceux-là ont fait à ceux qui sont en divergence avec eux et ceux qui blâment la voie sur laquelle nuls ils sont eux-mêmes, ces divergents avec la sunna. Et beaucoup parmi ceux-là qui sont en divergence avec la voie d'une puissance, quand ils ont répliqué au grand homme de science, ils étaient dans le faux. Ils sont tombés dans le faux parce qu'ils suivent la voie de leur parti, parce qu'ils suivent leur leader, parce qu'ils sont sectaires pour leurs idées et pour leurs passions. Parce qu'ils ont un but politique avant que ce soit un but religieux. Et leurs erreurs, deux points ne font apparaître leurs erreurs quand ils ont critiqué les grands hommes de science. أولاً ويبين لنا خطأهم في الرد على كبار أهل العلم أمرين كلام أهل العلم الربانيين هو الصواب إن شاء الله ولا ندعي العصمة لأحد. ثانياً أنه لو قدر أن علماءنا الكبار أخطأوا في هذه المسائل فإن خطأهم ليس مسوغا ولا مجوزا للرد عليهم. لما؟ لأنهم أخطأوا في مسائل لو سلمنا بذلك يسوغ الاختلاف فيها والمسائل التي يساغ فيها الخلاف يرد على الخلاف دون التشنيع على أصحابها وهؤلاء قد شنعوا على العلماء الكبار بما هو ليس بخطأ، ولو قدر أنه خطأ فإنه من جملة المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. Parmi les points qui te font apparaître comme quoi ces divergents avec la voix du puiseur d'Allah alayhim, quand ils ont répliqué aux grands hommes de science qu'ils sont dans l'erreur, deux points essentiels. Ce que les paroles des grands hommes de science, c'est dans les sujets sur lesquels on les a critiqués, la parole des grands hommes de science, c'est la vérité en réalité. Et on ne prétend pas que les hommes de science sont épargnés de l'erreur, loin de là. Deuxièmement, si les hommes de science sont tombés dans l'erreur à ce niveau-là, ils sont tombés dans l'erreur dans des sujets dans lesquels ils sont tombés dans l'erreur n'ouvrent pas la porte à les insulter. Parce que si même on accepte qu'ils soient tombés dans l'erreur, ils sont tombés dans l'erreur dans des sujets où est la place à la divergence, où les deux avis sont avenants. Et les sujets dans lesquels il y a la place à la divergence, on réplique à la divergence, mais on ne dénigre pas l'homme de science, on ne dénigre pas celui qui a pris cette voie-là. Mais ceux-là, ils ont dénigré les hommes de science, ils ont parlé d'eux, ils ont utilisé des termes, a'oudou billah, la queue de la mule du gouverneur, et j'en passe. Et même s'ils sont tombés dans l'erreur, on n'a pas à les désigner ainsi. On réplique et on ramène les preuves et l'affaire s'arrête là. Et on leur représente là leurs erreurs et l'affaire s'arrête là sans les dénigrer et sans les insulter et sans les traiter d'homo et de les décrire de certaines façons que les jeunes se sauvent d'eux et ne prennent pas la science d'eux. Et en réalité, ceux qui ont agi ainsi, en réalité, ils l'ont fait tout simplement pour que les jeunes ne s'entourent pas autour des hommes de science. Ça, c'était une introduction sur laquelle je voulais attirer votre attention, barakallahu fikoum. Parce que ceci est très important. On est dans un siècle d'ambiguïté. On a autour de nous beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de jeter les ambiguïtés. Il faut qu'on soyons avertis. Et même s'il faut répéter, jusqu'à ce qu'on soit averti et qu'on répète ce langage et ces règles à nos frères et à nos sœurs, pour qu'ils ne donnent pas leurs oreilles à n'importe qui. فبعد هذه المقدمة إخوة الإسلام عودة إلى الباب العاشر في منطقة على جماعة التبليغ. يقول قال الشيخ النجمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته جماعة التبليغ هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري أي القرن الماضي على يد المؤسس لها وهو الشيخ محمد الياس بن محمد إسماعيل الكندهلوي. الشيخ النجم رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى lui donne le grand firdaus dit que dans le dixième chapitre les critiques contre Jama'at al-Tabligh. Il dit Jama'at al-Tabligh, c'est l'un des groupes au niveau de la da'wah qui existe sur le terrain. Et ce groupe a été fondé au milieu du 14e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le siècle dernier. Son fondateur, c'est Mohamed Ilyas ibn Mohamed Ismail Kaldahlawi. Et voici maintenant une biographie de محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكندهلوي وهذه ترجمة المؤسس يقول الشيخ رحمه الله ولد مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس عام 1302 للهجرة وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج ديوبندي الحنفي مذهبا الأشعري الماتوريدي عقيدة الصوفي طريقة والطرق التي عندهم أربع طرق وهي طريقة النقشبندية والطريقة السهلوردية والطريقة القادرية والطريقة الجشتية Voici maintenant la biographie de Mohamed Ilyas. Cherche de nous dire Mohamed Ilyas, qui est le fondateur de ce groupe, est né en 1302 de l'Égypte. Il a mémorisé le Coran. Il a lu les 6 livres d'Al Hadith, mais il les a lus sur la voie de Dioband, sur la voie Diobandite. Et il est sur la voie de Diobandia et sur le madhhab al-Hanafi. Et il est Ash'ari, Maturidi au niveau de sa aqida, et il a des voix soufis en même temps. C'est-à-dire que malgré que Mohamed Ilyas a mémorisé le Coran, a lu les 6 livres d'Al Hadith, il est sur une voie qui est la voie d'Al l'école d'Al Dioband, et sur la voie d'Al Hanafiya, et sur, dans l'aqida, il est Ash'ari, Maturidi, et dans le comportement, il est soufi. Et les voix qu'ils avaient sont 4 voix dans Soufia. Naqshbandiya, Sahrawardiya, Al-Qadiriya, Al-Jushtiya. وقد أخذ الشيخ محمد إلياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد سهارنفوري الذي أجازه في المبايعة على النهج الصوفي المعروف وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني وفي المراقبة الجشتية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود أقام ودرس ومات في دهلي سنة 1363 هجرية انتهى من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين Hussein Bitasarruf. Il cherche de nous dire, et Cheikh Mohamed Ilyas a pris l'allégeance Sofi, il a donné l'allégeance à Cheikh Rachid Ahmed Al-Kankouhi. Il a renouvelé cette allégeance après la mort de Cheikh Ahmed Al-Kankouhi. Il a renouvelé l'allégeance à Cheikh Rachid الشيخ après la mort ديال الشيخ رشيد الكنكو احمد الكنكوهي لا غنوفلي سون اليجونس احمد سهارنفوري qui lui a donné l'autorisation à prendre déjà les gens sophie sur les gens c'est-à-dire après Sahara Nfouri a donné l'autorisation à Mohamed Ilyas pour que lui-même il donne un cheikh il devient un cheikh qui donne les ordres et qui donne les autorisations aux autres, comme il est connu dans la voie d'Al Soufia. Et Mohamed Ilyas faisait des retraites à côté de la tombe de Cheikh Nour Mohamed al-Badayouni. Il faisait aussi des séances d'observation qui existent dans Tariq al-Jushtiya, et pour ce faire, il s'assied à côté de la tombe de Abd al-Qaddous al-Kankouhi. Et cette façon d'observation se fait de telle image. Voici son image. La personne arrive à côté de la tombe, il met sur la tête un drap noir ou vert. Et il commence à dire, comme le disait Mohamed Ilyas à côté de cette tombe, comme il est rapporté dans le Qawl Balir de Cheikh Twijri Rahimahullah Ta'ala, Allahu Hadiri, Allahu Nadiri, ainsi de suite. Il disait, Allah me voit, Allah est présent, et ainsi de suite. Et la tombe à côté de laquelle Mohamed Ilyas faisait le Muraqab al-Jushtiya, qui est la tombe de Abd al-Qaddous al-Kankouhi, ce Abd al-Qaddous al-Kankouhi croyait en l'unicité de l'existence. Et ceci est très dangereux, comme nous va nous le montrer Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Et Mohamed Ilyas a étudié et après il a enseigné. Il est mort à Delhi au 1363 de l'Hijr. Tout ceci est rapporté du livre d'Al Cheikh Saad ibn Abdelrahman al-Hussein qui a passé 8 ans avec eux et qui est revenu et qui a expliqué leur situation à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La réalité de la da'wa ilallah azza wa jal » dans laquelle il parle du jama'at tablir. Et ce Saad al-Hussein est devenu par la suite le délégué religieux des affaires islamiques dans le consulat d'Arabie Saoudite là-bas en Jordanie à Amman. Il y est toujours. Hafidhahullah ta'ala. يقول الشيخ حفظه الله ظروف نشأتها أي ظروف نشأة جماعة التبليغ. يقول يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد إلياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة حين أعيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. و ينقل الشيخ ميال محمد أسلام عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه أنه انكشف له على هذه الطريقة بأن ألقي في روعه في المنام تفسير جديد لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج أي تفسير المنام الذي رآه محمد إلياس يقتضي لهذه الآية يقتضي الخروج للدعوة إلى الله فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد بدليل قوله تعالى أخرجت للناس وأن الإيمان يزداد بالخروج بدليل قوله تؤمنون بالله بعد قوله أخرجت للناس وأن المراد بقوله أمة العرب والمراد بقوله للناس العجم. الشيخ منتنون جميل رحمة الله عليه nous cite les conditions dans lesquelles, nous parle des conditions dans lesquelles est né ce groupe. Il le rapporte d'un autre hindou qui s'appelle Cheikh Abul Hassan Nadwi. Il dit que Cheikh Mohamed Elias est allé vers cette voie de la da'wa quand il a été fatigué par les moyens traditionnels pour réformer les gens de sa région. Et Cheikh Mayal Mohamed Islam, rahimahullah, celui-là, il a écrit une lettre qu'a expliqué Cheikh Mohamed Taqi Dil-Hilali. Rahmatullah, assure Jama'at Tabligh. Cheikh Mohamed Mayan, Mohamed Aslam, nous rapporte des expressions d'un fascicule qui s'appelle les expressions de Ilyas et ce fascicule est de Mohamed Mandour Nu'mani que Cheikh Mohamed Ilyas lui-même a dit, il m'a été dévoilé. Cette tariqa, cette façon de faire des da'wah, elle m'a été dévoilée. Et comment elle lui a été dévoilée? Par le fait de ce qui a été jeté dans son intérieur, il dit. Du que quelque chose lui a été jeté et dit dans son intérieur, dans le rêve. Qu'est-ce qui lui a été jeté dans son intérieur, dans le rêve? Une nouvelle interprétation de la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit vous êtes la meilleure des communautés que Allah subhanahu wa ta'ala fait exister aux gens, vous blâmez, vous ordonnez le bien et vous blâmez le mal et que vous croyez en Allah Azza wa Jal. Et la nouvelle interprétation qui a été insufflée à Mohamed Ilyas dans son cœur, dans le rêve, implique, dit-il, qu'il faut sortir pour da'wa ila Allah. Car la da'wa ne peut pas s'accomplir en étant dans sa résidence et en restant dans un seul lieu. La preuve comme quoi il a pris le terme « okhrijet », c'est-à-dire la communauté qui a existé, la meilleure communauté qui a existé pour les gens, c'est-à-dire pour lui, « okhrijet », ça veut dire « il sort ». Et c'est une fausse interprétation du verset, bien sûr. Et qu'il dit que l'iman augmente avec le fait de sortir. Avec la preuve, il dit « vous croyez en Allah ». Après avoir dit « et vous êtes... » que cette communauté a existé aux gens. Donc il y a une déformation du sens. Et il dit, Mohamed Ilyas, que ce qu'il voulait avec l'Umma, ce sont les Arabes. Et ce qu'il voulait avec les gens, ce sont les non-Arabes. Et tout ceci, évidemment, c'est une fausse interprétation. C'est changer le sens du verset. Bah, écoutez maintenant les critiques qui met Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala contre cette interprétation. يقول رحمه الله ويلاحظ هذا على هذا المقطع ما يلي. اولا ان القران لا يكشف لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها بل كلها وحي من الشيطان. دي رحمة الله عليه que le Coran ne s'explique pas avec le dévoilement soufi et les rêves soufi qui sont souvent un insufflement et un waswas ديال الشيطان et une révélation ديال الشيطان. الكشف هذا c'est une voie c'est les chauffés. C'est-à-dire ils ont toujours le disciple soufi il a toujours peur que son cheikh cache ce qu'il y a dans son cœur, qu'il voit ce qu'il y a dans son cœur. Donc, Cheikh Najmi nous dit que le Coran ne s'explique pas avec les rêves soufis et avec le kushufat soufia, dont la majorité c'est une révélation min ash-shaytan. Taniyan, yadhar mimma sabaq. أن مؤسس هذه الجماعة غارق في الصوفية من أخمصه إلى مشاشه فهو أخذ بيعتين فيها وفتن بطواغيتها وأمضى وقته في الجلوس على قربورهم. Deuxièmement, dit Cheikh Rahimahullah Ta'ala, il apparaît que le fondateur de ce groupe, il est plongé de sa tête jusqu'à ses pieds dans le sophisme. Et il a pris deux allégeances. Il a fait deux allégeances. Et il est perturbé par les tawarit d'Al-Sofia. Et il a passé son temps à s'asseoir sur leur tombe. Talitan, مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي ويظهر ذلك من قوله وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد إلى آخره. وذكر عن الثاني أنه كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود عيادا بالله فكيف يوجد الخير عند من يعكف على قبر من كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود وإن عكوفه عند قبر من كانت تسيطر عليه هذه الفكرة لدليل واضح أنه يؤمن بها ولو لم يكن يؤمن بها لما فعل ذلك. Troisièmement, dit Cheikh Najmi رحمه الله, le fondateur de ce groupe est un Kouboury, Khourafi, qui vit sur les histoires à dormir debout. Et il apparaît ceci clairement dans sa parole, il dit, quand il s'assoit en retraite sur les tombes d'Yelchur comme Cheikh Nour Mohammed. Et on rapporte du deuxième Cheikh sur laquelle il s'installe sur sa tombe, qui est Abdel Qaddus al-Kanoui, que c'est quelqu'un qui croit en l'unicité, que l'unicité de l'existence s'accaparait de son esprit. Riyadan Billah. Comment il peut y avoir du bien chez quelqu'un qui fait des retraites spirituelles sur des tombes de personnes dont qui sont accaparées et pris par l'unicité de l'existence. Et le fait de faire des retraites sur leurs tombes, cela prouve que cette idée est claire chez lui et qu'il croit en cette idée, qui est l'unicité de l'existence. Parce que s'il n'y croyait pas, il n'aurait pas fait des retraites sur leur tombe. فإخوات الإسلام إليكم بعد ما أنقل لكم من كلام الجهيني أبو مالك الجهيني حفظه الله تعالى في نقد هذا المقطع في تعليقي على هذا المقطع. Maintenant, Allah Azza wa Jal, je vais citer des points, des commentaires de Cheikh Abu Malik al-Juhani dans son commentaire de ce passage du livre d'Yal Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, Rahimahullah Ta'ala. Il dit Hafidhahullah Ta'ala, كما هو الحال في الهند في ذلك الوقت وقبل ذلك الوقت وفي كل وقت الهنود عندهم عناية بالحديث حيث صارت عندهم نهضة حديثية منذ ما يزيد على 200 عام أو أكثر. ولكن مع الأسف كثير منهم مع عنايتهم بالحديث وكتب الجرح والتعديل وغير ذلك من كتب هذا العلم إلا أنهم إنهم في العقيدة بقوا على العقيدة الماتوريدية. فإن الله عز وجل كم دي الشيخ أبو مالك الجواني dans ce commentaire de ce passage du livre de Cheikh Najmi dit c'est ainsi la situation en Inde en ce moment et avant ce moment et depuis tout temps. Les hindous s'occupent beaucoup du hadith. Il y a même un éveil et une renaissance du hadith chez eux depuis plus de 2 siècles maintenant, au plus. Mais avec grand regret, beaucoup parmi ceux qui s'occupent du hadith et des livres d'Al Jarh wa Ta'dil et autres parmi les livres de cette science du hadith ont une aqida, ils sont restés sur la aqida al-Maturidiyya ou al-Ash'ariyya. والعقيدة الماتوريدية أيها الإخوة قريبة من العقيدة الأشعارية نسبة إلى أبي منصور الماتوريدي من أهل التأويل والتعطيل كالأشاعرة وبقوا كذلك في السلوك والطريقة على التصوف صوفي على الطرق المعروفة وبقوا كذلك في الفقه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله بقوا جامدين على مذهب أبي حنيفة ومتعصبين ولم يتحرروا وربما حرفوا النصوص انتصارا للمذهب هذه هي البلوى مع الأسف وهذه البلوى موجودة مع الأسف عندهم اي العقيدة ما توريديت il est proche de l'aqida ash'ariya et cette aqida est attribuée à Abi Mansour al-Maturidi il fait partie des gens qui ont déformé les sens et qui dépouillent les sens comme l'ash'ariya et beaucoup d'hommes de science d'Inde qui se sont occupés du hadith sont restés sur cette aqida Et dans leur comportement, ils sont restés sur les voies soufis connues. Comme celles qui ont été citées, le Justiya, Sahrawardiya, le Qadiriya et autres. Et au niveau de la jurisprudence, ils sont restés sur l'école d'Abi Hanifa. Ils sont restés stagnants. Ils ont stagné sur la voie d'Abi Hanifa, rahimahullah. Ils sont restés sectaires. Ils ne se sont pas libérés malgré qu'ils se sont occupés de la science du hadith. Des fois même, ils vont jusqu'à donner un autre sens au texte pour faire triompher la voix d'Abu Hanifa, rahimahullah. Et ça, c'est la grande balwa. Et il existe malgré tout ça chez eux. ولكن إخوة الإسلام يجب أن يعلم أن هناك كثير من علماء الهند من أهل العلم والفضل في العقيدة الصحيحة والسنة والاتباع كعبد الرحمن المبارك فوري وصديق حسن خان وغيرهم كثير ليسوا لا بما تريديا ولا صوفيا ولا متعصبة في الفقه il faut savoir aussi frère en Allah azza wa jal qu'il y a beaucoup d'hommes de science d'Inde qui sont des gens de bien que ce soit dans leur aqida ils ont une aqida authentique que ce soit dans le suivi ils ne sont ni maturidi ni sofi ni sectaires dans la jurisprudence Mais ce sont des gens qui suivent la preuve. Fait partie de ces gens-là, Abdelrahman Moubarak Fouri et Siddiq Hassan Khan et d'autres parmi les hommes de science du hadith qui ont marqué leur époque et certains ont marqué notre monde contemporain. ولكن مع الأسف الشديد الكثير على طريقة المتعصبة ومحمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ كان من طلاب العلم الذين عنوا بالحديث وقرأوا كتب الحديث ولكنه ما استفاد الفائدة المرجوة وما أخذ الثمرة المقصودة فبقي على العقيدة الماتوريدية وعلى الطرق الصوفية وكذلك بقي على المذهب الحنفي avec grand regret frère en Allah azza wa jal beaucoup parmi ceux qui ont étudié le hadith En Inde, et les Hindous qui ont tenu le hadith sont restés sectaires à la voie et à l'école de jurisprudence de Abi Hanifa, rahimahullah ta'ala. Et aux voies soufis aussi. Ils sont restés soufis. Et dans leur dogme, ils sont Ash'ari et Maturidi. Mohamed Ilyas, le fondateur du Jama'at Tabligh, fait partie de 6 demandeurs de science qui se sont occupés du hadith, qui ont lu les livres du hadith, mais il n'a pas profité des livres du hadith comme il se doit. Il n'a pas pris le fruit escompté de l'étude du hadith et il est resté sur les croyances maturidites et sur l'aqida al-maturidiyya et il est resté sur les voies soufis et il est resté sectaire à la voie à l'école de jurisprudence d'Abu Hanifa rahimahullah ta'ala wa kawn al-insan yakun hanafiyan hada laysa fihi kabir khatar lakin al-khatar an yakun muta'assiban lil-madhhab muta'assiban li Abi Hanifa هذا هو البلاء أما كونه متمذهبا بمذهب أبي حنيفة وغيره مع الإنصاف واتباع الدليل فلا بأس بذلك اتباع هذا هذه المذاهب الفقهية مع الإنصاف ليس فيه كبير خطأ. البلاء والخطر كبير خطر البلاء والخطر التعصب لها. Le fait que quelqu'un, qu'un musulman soit hanafi, ceci n'est pas dangereux en soi. Mais le danger en soi, c'est d'être sectaire pour la voie d'Abu Hanifa ou là pour une autre voie. Ça, c'est le plus grand danger. Mais que la personne soit d'une école de jurisprudence qu'il adepte, hein, une école de jurisprudence, celle d'Abu Hanifa, rahimahullah, ou de Malikiya, ou le Hanabila, ou autre, ceci n'est pas dangereux en soi. Si la personne, il est juste, et si la personne suit la preuve, il n'y a aucun mal en tout ça. Le fait de suivre une des écoles de jurisprudence, avec, en étant juste, et en étant équitable, il n'y a pas de danger en cela. Mais le danger, c'est le sectarisme dans lequel tombent les gens qui suivent ces voies-là. Il ne faut pas être sectaire, mais il faut suivre la preuve. Même si la preuve est contre eux, l'école d'Abu Hanifa ou l'école d'Imam Malik ou autre. فالبلاء والخطر أن يترك الإنسان الحق والدليل الواضح تقليدا وتعصبا لإمامه والمعروف عن الهنود عفى الله عنا وعنهم تعصبهم للمذهب الحنفي مع الأسف الشديد تكون السنة عندهم واضحة يتركونها لأجل المذهب. Et le plus grand danger, la plus grande perturbation, c'est que la personne connaisse la vérité et que la preuve est claire devant lui, mais il imite et il est sectaire pour son imam. Et ce qui est connu chez les hindous et les pakistanais et autres, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse, c'est qu'ils sont trop sectaires à la voie hanafite. Ils connaissent la sunna, et la sunna est claire devant eux, ils la laissent, parce qu'il est en divergence avec la voie d'Abu Hanifa rahimahullah. Le plus grand danger, frère en Allah azza wa jal, c'est que la personne laisse la vérité, et la vérité est claire devant lui, la preuve est claire devant lui, mais il la laisse pour la voix d'Abu Hanifa ou la voix de quelqu'un d'autre. Et ce qui est connu chez les hindous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse, c'est qu'ils sont sectaires à la voix d'Abu Hanifa. Et des fois, ils connaissent la sunna, ils ont le texte clair devant eux, ils le délaissent, parce qu'il est en divergence avec la voie d'Abu Hanifa. ومن ذلك ما تراهم يفعلون أنهم لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام وهم يقرؤون في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في ثلاث مواضع وفي البخاري عند البخاري رحمه الله يرفع أيضا في موطن رابع يقرؤون هذا في الصحاح ويتركون العمل به تقليدا لمن؟ تقليدا لمذهب أبي حنيفة وهذا هو البلواء ويقرؤون في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Donc, et tu vois l'Ahnaf, ils font des choses. Par exemple, ils ne lèvent pas leurs mains dans la prière. Ils les lèvent tout simplement au moment où ils font Takbirat al-Ihram. Alors qu'ils lisent dans les authentiques, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains dans trois endroits et dans l'authentique d'Al Bukhari dans un quatrième endroit. Ils lisent tout ceci dans les authentiques, mais ils ne le mettent pas en application par imitation à qui? Par imitation à la voix d'Abu Hanifa rahimahullah. Et ça, c'est le danger. Ils lisent dans Sunna et dans les authentiques que le prophète aussi a dit, quand on rentre dans la prière obligatoire, on ne fait plus de prière surrogatoire. Il n'y a que la prière obligatoire qui doit être accompli. فكذلك يقرؤون في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومع ذلك ترى الأحناف الهنود أي سكان الباكستان والهند والبنغلاديش وهذه البلدان كلها هنود كلهم هنود فالأفغان والباكستان والبنغال كلهم هنود فهؤلاء كلهم هنود وكلهم على المذهب الحنفي وعلى هذا المنهج يدخلون المسجد والناس يصلون الفجر ويتركون جماعة المسجد ويسلون سنة الفجر مخالفين بذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في الصحيحين. فإن قيل لهم هذه مخالفة لرسول الله قالوا قال أبو حنيفة، حتى قال قائلهم ولعنة ربنا عدد رمل على من رد قول أبي حنيفة، ولعنة ربنا عدد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وانظر كلام أبي حنيفة في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ ناصر كيف يقول، قول أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يلدي لا تقلدني ولا تقلد وخذ مما أخذوا رحمه الله تعالى، كان ينصح للأمة بأن تتبع الدليل رحمة الله عليه. فانظر التعصب إلى أين يوصل الناس. Et donc, ces Ahnaf, et surtout dans ces régions d'Inde, qui sont l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh, tous ceux-là sont sur la voie d'Abu Hanifa. Ils sont sur cette voie-là. Ils sont très sectaires, al-Madhab al-Hanafi. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de sa sainte miséricorde. Ils lisent dans les authentiques que contre Rasulullah s'il a dit quand on rentre, quand il est. La prière obligatoire a commencé qu'il n'y a d'autre prière que la prière obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas à entamer, ni à rester dans une prière surrogatoire. Et malgré tout ça, les Ahnaf d'Inde, de tous ces pays que nous avons cités, bah, ils rentrent dans la mosquée alors que les gens prient la prière d'Al Fajr, ils laissent le groupe. Ils laissent le groupe, la prière du groupe. Et ils font le surrogatoire sur Sunnat al-Fajr avant, et ainsi ils sont en divergence avec la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Et si on leur dit ceci, ce que vous faites, c'est une divergence claire avec Muhammad alayhi salatu wasalam. Ils te disent, mais Abu Hanifa a dit, à tel point que l'un d'eux a dit, et la malédiction de notre Seigneur, comme le nombre des grains de sable qui existent sur celui qui refute la parole d'Abu Hanifa. Regardez jusqu'où le sectarisme les a amenés. Et revenez à l'introduction de la description de la prière de Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, vous l'avez en français. Et regardez les paroles d'Abu Hanifa, comment il conseille les gens, et il demande à la communauté de revenir à la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. Regardez comment Abu Hanifa donnait ce conseil à la communauté. Et regardez les sectaires, qu'est-ce qu'ils font. Regardez ces paroles qu'ils prononcent. Regardez ce sectarisme. Regardez où amène l'imitation aveugle. Faire très attention à l'Ikhwat al-Islam. Et min akhir ma ra'ahu ahlul ilm min ta'assub al-ahnaf, hada al-mad'u Muhammad Awam al-Hanafi al-Ash'ari, min talamidi Abd al-Fattah bi Ghaddak al-Kawthari, wa mudarris ma'a al-Asaf fi al-Saoudia, wa la ikhfa ta'assubuhu, wa la tikhfa bid'atuhu. هذا الرجل تسلط على كتب الحديث يحققها بزعمه، ومن آخر ما أخرج في هذه الفترة المصنف لابن أبي شيبة في طبعة فاخرة مغرية. Et parmi le sectarisme et les énormités d'il ceux qui sont sectaires à la voie d'Abu Hanifa, ce qu'ont vu les hommes de science ces derniers mois. Ce qu'a fait celui qu'on appelle Mohamed Awama, qui est Hanafi Ash'ari, qui est l'un des élèves d'Abdel Fattah, Abu Ghudda Al-Kawthari, qui est un grand ennemi de la Sunna. Et ce Mohamed Awama, avec grand regret, c'est l'un des profs en Arabie Saoudite. Et son sectarisme pour la voie d'Abu Hanifa est connu. Et son innovation est connue. Et cet homme a commencé... soi-disant, il prétend authentifier les livres des hadiths. Et le dernier livre avec lequel il est sorti à en ce moment, c'est le Moussannaf de Ibn Abi Shayba, dans une édition très belle et qui attire l'attention. Regardez jusqu'où ils vont les sectaires et qu'ils ne lésinent pas sur les moyens pour attirer l'attention. ابن أبي شيبة أيها الإخوة في الله أبو بكر أحد أئمة السنة من الحفاظ من طبقة الإمام أحمد بن حنبل عقد في هذا المصنف كتابا سماه الرد على أبي حنيفة فيما خالف فيه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر عندما عقد هذا الباب يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك النصيحة للمسلمين وبيان الأقوال الضعيفة والمخالفة للسنة التي أفتى بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. تفخرون الله عز وجل بن أبي شيبة أبو بكر l'un des grands, c'est un grand imam de la Sunna, est un mémorisateur. Il fait partie de la même génération de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Dans son livre, le Musannaf, il a réservé un livre, le 20e livre, il a dit, le titre de ce livre, la réplique à Abu Hanifa dont les situations et les verdicts dans lesquels il est en divergence avec les hadiths du prophète alayhi salam. Abu Bakr ibn Abi Shayba, quand il a fait ce chapitre, il l'a fait pourquoi? Il veut quoi avec? Abu Bakr veut tout simplement avertir la communauté et conseiller la communauté et attirer l'attention de la communauté sur les paroles faibles et les verdicts qui sont en divergence avec la sunna du prophète alayhi salatu wasalam qu'a émis l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. L'an, انظر معي اخ الاسلام من يحقق هذا الكتاب من هو هذا الذي يحقق هذا الكتاب حنفي متعصب وابو بكر رد على ابي حنيفه ولما جاء هذا المتعصب الى كتاب الرد على ابي حنيفه في المجلد العشرين في طبعته قدم بمقدمة وأخذ يلف ويدور يريد أن يخلص أبا حنيفة من تبعته من تبعة هذه الأقوال ثم أثبت في هذا الكتاب رسالة كاملة لهذا المتعصب الجهمي الجائر الصوفي القبور محمد الكوثري هذا العدو اللدود للسنة الذي يطعن في علماء الحديث ويتهم علماء الحديث بأنهم مجسمة وبأنهم مشبهة وربما كفرهم ويكفر ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ووصل به الحال إلى أن يتكلم في الإمام أحمد بن عبد الله وعبد الله بن الإمام أحمد وابن خزيمة فالكوثري معروف عند أهل العلم بعدائه للسنة وأهلها وعقيدة السلف ومع ذلك يأتي هذا العوام وبكل وقاحة ولا يستحي لا من الله ولا من السنة ولا من أهلها ويثبت لنا رسالة بقلم هذا الكوثر المتعصب في هذا الكتاب من كتب السنة فلا حول ولا قوة إلا بالله انظروا بلغت بهم الجرأة إلى هذا الحد وهذا من آخر ما روي من تعصب الأحناف آخر ما رؤية من تعصب الأحناف. Maintenant, regardez, frère en Allah Azza wa Jal. Qui authentifie le livre d'Abu de Ibn Abi Shayba? Qui est? C'est un sectaire, un grand sectaire de la voie du Madhab al-Hanafi. C'est un grand sectaire de la voie d'Abu Hanifa et de l'école de jurisprudence Hanafi. Et Abu Bakr ibn Abi Shayba a réfuté à Abu Hanifa les verdicts et les paroles dans lesquelles il est en divergence avec le prophète alayhi salam. Et quand cet homme est arrivé à ce livre, la réplique à Abu Hanifa, dans le 20e tome, dans l'édition de cet homme, dans l'édition authentifiée par cet homme, il a fait une muqaddima, une introduction, dans laquelle il a commencé à tourner et aller à droite et à gauche pour essayer de innocenter Abu Hanifa des paroles qu'il a dit, qui sont dans le livre. Et dans la fin de ce livre, il a ramené une risala, une grande risala, la risala complète, d'un grand sectaire Jahmi, qui est injuste, qui est un soufi Qubouri, qui est Mohamed al-Kawthari, qui est un grand ennemi de la Sunna, et qui critique les hommes du Hadith, et qui accuse les hommes du Hadith, comme quoi ils donnent un corps à Allah Azza wa Jal, et comme quoi ils font la ressemblance à Allah Azza wa Jal. Peut-être que certains, ils les rendent mécréants. Il a rendu Soukautari, a rendu mécréant à Ibn Taymiyyah, ainsi qu'Ibn al-Qayyim. Et il est arrivé à critiquer, à parler sur l'imam Ahmed ibn Abdullah et sur son fils Abdullah ibn l'imam Ahmed et sur l'imam ibn Khuzayma. Le Kautari, il est connu chez les hommes de science. Comme quoi, il est, c'est un grand ennemi de la sunna. Et que c'est un grand ennemi du dogme d'Yel Salaf al-Dwallah alayhim. Et malgré tout ça, ce Mohamed Awama, hein, en n'ayant peur ni d'Allah Azza wa Jal, en n'ayant aucune pideur, a ramené une lettre, toute une risale, tout un épître, de ce Mohamed al-Kautari, qui est un sectaire de la voie d'Yel Hanafiya, il y a un Jahmit, il y a un Qubur, et il l'a introduite dans ce livre. Regardez à quel point le sectarisme amène. فيثبت لنا رسالة بقلم هذا الكوتري المتعصب في هذا الكتاب من كتب السنة. إلى rentré une رسالة de ce كوتري qui est sectaire dans l'un des livres de la Sunna. فلا حول ولا قوة إلا بالله. Le Rodas est arrivé à ce point-là. Et c'est ce que la dernière chose et la dernière des pires des choses que les hommes de science ont vu du sectarisme Hanafi. والمقصود أيها الإخوة إذا كان الإنسان متمذهبا بمذهب فليس في ذلك خطر إذا كان منصفا متبعا للدليل يريد الحق أما المذموم فهو التعصب الأعمى إخوة الإسلام. Mais le but, frère en Allah, Azza wa Jal, c'est quand l'être humain il est sur une école de jurisprudence au niveau de... Bah, ce n'est pas un... c'est pas danger en soi. Ce n'est pas un grand danger. Mais le danger, c'est d'être sectaire à cette voie-là. Mais si la personne, il est équitable, il suit les preuves, il accepte la vérité, il veut la vérité, ceci n'est pas blâmable. Mais ce qui est blâmable, c'est le sectarisme aveugle. Comme ce que vous avez vu de cet homme. Fa Ilyas, comme vous avez entendu, Mohamed Ilyas, moi jama'at tabligh, nasha'a soufia wa hanafi. Fa ima ina ta'tihi as-sunnah wal manhaj as-salafi wa qad dalasa wa tarabba ala aydi kibar as-sufiya fi al-Hind. Thumma ya'ti atba'uhu wa yuriduna nashr manhajihi fi bilad at-tawhid wa fi al-buldan al-islamiyya wa fi الجاليات الإسلامية عبر العالم. وقال بعض المختصين في دراسة هذه الجماعة أن هذه الجماعة وجدت لنشر المذهب الحنفي. Et محمد إلياس, comme vous l'avez entendu dans le passage que nous a qu'a écrit à Cheikh Najmi رحمه الله تعالى, محمد إلياس a été éduqué et il a grandi dans une voie, dans des voies soufis. D'où il peut acquérir la sunna et la voie du puiseur d'Allah alim. Il a étudié, il a été éduqué par les grands soufis en Inde. Et après, ses disciples viennent maintenant, ils veulent propager sa voie dans le pays du monothéisme en Arabie Saoudite et à travers le monde de musulmans et à travers et entre eux, la communauté musulmane, à travers l'Europe et l'Amérique. Ils y sont arrivés en quelque part. Ce groupe est une grande épreuve dans le milieu européen maintenant et dans un peu dans beaucoup de pays. Et certains spécialistes, et qui connaissent bien parmi les savants d'Inde, qui connaissent bien la voie d'Yel Tabligh, disent que cette voie est créée aussi, l'un des points de cette voie, c'est de propager la voie Hanafiya et l'école de jurisprudence de jurisprudence hanafite à travers le monde musulman. Et regardez comment beaucoup de frères en France et de frères à travers le monde qui sont tablighis, ils imitent la prière hanafi. Ils ne lèvent pas les mains et des fois ils mettent leurs mains sur le ventre ou sur leur nombril, comme ils le font les hanaf. Parce que quand on aime des personnes et quand on adhère à leur voix, bah, on prend tous deux. On accepte plus d'eux. فكذلك امر فظيع هذا التفسير الذي جعله محمد الياس لهذه الايه كنتم خير امه اخرجت للناس تفسير مبتدع. هل هذا التفسير موجود عند الائمه الكبار؟ هل هو عند امام المفسرين الطبري؟ هل هو عند ابن كثير؟ هل هو عند الشيخ السعدي رحمه الله؟ هل قال به أحد من أئمة السلف؟ هل قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ هل قاله ابن تيمية وغيره؟ فهذا أول الضلال. بنى محمد إلياس منهزه على تفسير باطل لكتاب الله، تفسير أخذه من المنامات، تفسير أصله المنامات الصوفية الباطلة. Donc aussi, cette interprétation qu'a fait Mohamed Ilyas à ce verset « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » c'est une interprétation innovée. C'est une interprétation qui n'a jamais existé chez les imams, les grands imams de cette communauté. L'imam, le prince des interprétateurs du Coran, hein? L'imam Tabari rahimahullah, de qui son livre est une référence, duquel puisent tous les hommes de science, ainsi que Ibn Kathir, ce qu'ils ont dit, cette interprétation. Ils sont allés à cette interprétation du Coran. Et ce que l'un des imams du Salaf l'a dit, que ce soit Abu Hanifa, rahimahullah, ou là que ce soit Imam Ahmed, ou là que ce soit Ibn Taymiyyah, ou l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'autre. Est-ce que l'interprétateur du Coran par excellence, Abdullah ibn Abbas, l'a dit? Donc le début de l'égarement commence que cette voie, la voie du Tabligh, est basée sur un fondement qui est faux. Et sur une interprétation du Coran qui est basée sur les rêves, sauf qu'ils sont nuls et non avenantes. Ilyas, le fondateur de ce groupe, a basé la voie de son groupe sur un rêve. Et sur une interprétation qui, soi-disant, lui a été donnée dans le rêve, qui lui a été soufflée dans son cœur. On ne sait pas par qui. وكذلك عكوف محمد إلياس على قبر من يؤمن بوحدة الوجود دليل على أنه يؤمن بها فأتبعه في الهند وغيرها صوفية واضحة وإن كان وأخذت من الصوفية الغلات في ولكن هم أبناء عمهم ونهاية التبليغ نهاية إلى الصوفية. Donc le fait que aussi que Mohamed Ilyas se penche sur les tombes de ceux qui croient et fait des retraites sur les tombes de ceux qui croient en l'unicité de l'existence, cela prouve, disent les hommes de science, qu'il croit qu'il a cette croyance, l'unicité de l'existence. Et ses disciples en Inde et autres sont des sophies clairs. Et dans certains pays, notamment dans les pays arabes, leur sophisme est les moins grave que le sophisme des extrêmes, de ceux qui sont allés aux extrêmes dans le sophisme. Mais ce sont leurs cousins. Et la fin d'un tbliri, c'est la fin, c'est le sophisme. وَلَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ لَا نَعْرِفُ عَمَّنْ حَوْلَنَا لَا نَعْرِفُ عَلَىٰ عَمَّنْ حَوْلَنَا. فَلْتَعْلَمُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ أَنَّ جَمَعَةِ التَّبْلِيغِ قبل أن تدعو أحدا إلى البيعة على الطرق الصوفية لا بد أن يكون عندهم جفاف ويكون ثقة عندهم، لا بد أن تمر عليه سنين وبالإيحاء تدخل في الصوفية وعندما يثقون به كما تاقوا ببعض العرب وعندما بايعوا أفاقوا من سباتهم ورجعوا وبين ذلك لأهل العلم عندما يتيقون بهم يصلون بهم إلى البيعات الصوفية. كذلك ما يفعل في المراكز وأيام الاجتماعات في أوروبا هنا في فرنسا عندما خاصة دائما في مراكزهم عندهم غرفة خاصة بأهل الذكر فيأخذون 5 أو 6 من الشيوخ القدامى ويدخلونهم ويغلقون عليهم البيت ويبقى يذكرون حتى يعطيهم هذا الضوء للمركز لكي تخرج الجماعات وكذلك. وإذا كان اجتماع وهذا أعرفه ورأيته بأم عيني تراهم في مكان الاجتماع، المكان الذين يستأجرون إذا كان ملعبان أو كان صالة للرياضة يستأجرون مكانا ويجعلون فيه خيمةً بالأثواب ويدخلون فيها 5 أو 6 من الشيوخ القدامى الذين يثقون فيهم يبقوا في الذكر دائما صباحا ومساء لا يخرجون من هناك إلا للأكل ولقضاء الحاجة وللصلاة مع الجماعة. وهذا فعل صوفي يا أخي الإسلام، قبلته أم لم تقبله؟ فلا تكن متعصبا يا أخي. فتلك السيختان بغمينو وكوا الدير مي اسكو تي دي ولو كوني با سي لو صوفي كون كوني سي. Sache, frère en Allah, Azzawajal, avant d'arriver au degré du soufisme, c'est Sophia. Sache, frère en Allah, Azzawajal, qu'avant d'y arriver, il faut d'abord que la personne fasse ses épreuves et que le mashaïr de son pays ait confiance de lui. Et qu'on l'envoie à plusieurs reprises en Inde et au Pakistan. Une fois que ceux qui sont en Inde et au Pakistan ont décrété que c'est un homme de confiance, à ce moment-là, ils ont confiance en lui, ils lui font l'allégeance. Et je vous donnerai des exemples d'allégeance. Ici, autour de vous, en Europe, et ceux qui l'ont fait, et parmi ceux qui ont fait l'allégeance sur les voies soufis en tant qu'arabes, et qui sont revenus à eux-mêmes, ils sont allés voir le Mashaïkh et leur ont expliqué sur quoi ils faisaient l'allégeance. Alors, on n'arrive pas comme ça. On devient soufi. Là, il faut du temps, il faut des insinuations. Et petit à petit, quand la personne a la confiance des anciens de son quartier, et après de ceux de sa ville, et ceux de sa région, et petit à petit, il grimpe. Et après, quand il aura fait les 4 mois pour gravir l'échelon et devenir un Qodama, etc. Après, et plusieurs années après, Ad, il devient soufi. Mais l'éducation, les insinuations qu'on lui fait, font de lui qui, petit à petit, il accepte. Et si quelqu'un se rebelle, etc., à ce moment-là, il est rejeté. Et donc, il voit leur faux et leur nullité. Moi, ce que j'ai vu de mes propres yeux, dans le centre d'Al-Rahma, s'ils appellent leur mosquée Al-Rahma à Saint-Denis, il y a une pièce dans laquelle on met des personnes à longueur de journée à faire que du dhikr. Dhikr, pourquoi ? Ils disent que ça, c'est le dynamo qui va donner la lumière pour que les jama'at, les groupes, ils vont sortir. Et quand ils font des réunions, les grandes réunions annuelles, quand ils font la réunion, par exemple, d'Al-Qudama en France, ils la font à Marseille. Tous ceux qui sont anciens, qui ont fait 4 mois, qui sont allés, ils vont se réunir une fois par an à Marseille. Et pour chaque réunion, pour chaque région, ils ont une réunion. La réunion du Nord, la réunion de ceci, etc. Et quand les réunions, ils ne le font pas en général dans les mosquées, ils l'ont des grandes salles, et où il y a des terrains de sport, etc. Et dans ces terrains, ils forment une petite tente avec des draps dans lesquels ils vont rentrer des personnes dans lesquelles ils ont confiance et qui font partie parmi les anciens pour faire le dhikr à longueur de journée. Et ces gens-là ne vont pas sortir de là que pour manger, ou là des fois on leur sert à manger à l'intérieur, et ils sortent que pour faire leurs besoins et pour faire la prière en groupe. Et ça, c'est une façon de faire Sophie. Ils croient fermement que ce dynamo, c'est lui qui donne la lumière au groupe, et c'est lui qui permet à ceux qui parlent, à ceux qui font le bayan, d'avoir un éclaircissement énorme, etc. Enfin, nous allons arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on se retrouvera demain, Barakallahu Fikoum, à 18h30, pour continuer un petit peu sur la voie d'Al-Tabligh, Inch'Allah. Et je crois qu'il nous reste encore sur ce livre une dizaine de livres avant d'arriver à la fin. Ah, je vous demande un peu de patience et un peu d'endurance, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa ahsallahu ilaykum, wa jazakumullahu khayran.